Number two. OK, là, ça me touche un peu plus personnellement. Hier, il y avait une conférence de presse, hier ou avant-hier, d'un groupe qui lutte contre l'islamophobie. Alors, paraît-il que nous assistons au Québec et surtout à Montréal à une montée de l'islamophobie. Et là, ces deux porte-paroles de ce groupe-là, qui sont Adil Sharkawi et Salam El-Mayani, ils ont fait une grosse conférence de presse en disant qu'il y a de plus en plus de gens qui sont battus, agressés verbalement, physiquement, parce qu'ils sont musulmans. Or, là, ils n'ont pas arrivé là, avec des preuves, ils ont dit ça comme ça. Or, le service de police qui a été interrogé par le Journal de Montréal dit que c'est absolument faux. Il n'y a aucune recrudescence de plaintes de musulmans. On regarde, mais ça fait rien. Ces gens-là, ils ont dit ça comme ça, puis ça a été relayé par Radio-Canada, ça a été relayé par la presse. Et là, ils disent, on est en pleine islamophobie. Et là, ils ont dit, les trois plus gros islamophobes au Québec sont Paul Arcan, Benoît Dutrisac et Richard Martineau. Oh. Moi, ça a l'air que je suis le plus grand islamophobe. Et ça, tu vois ça dans Radio-Canada. C'est sur leur site à Radio-Canada. Ils ont pris... Ils ont pris ce qu'ils ont dit. Ils ont pas sérieux? Ils ont sacré cela. Arrête donc, ils t'ont nommé. Ils ont pris textuellement ce qu'il a dit. Oui, sur le site de Radio-Canada, Richard Martineau. Vous autres, pas on fort, a sacré cela. Alors, premièrement, moi, il y a plusieurs questions que je me pose. Premièrement, eux autres disent qu'il y a une recrudescence des actes contre les musulmans. Ah, c'est absolument nié par la police, donc ils vont chercher ça où? Deuxièmement, si les musulmans, si tout ce qu'ils ont trouvé comme porte-parole, c'est Salam El-Mayani puis Adil Sharkawi, ils ont un Christi de problème. Adil Sharkawi, c'est un gars qui actuellement, en mai dernier d'ailleurs, le service de renseignement contre-espionnage du Canada a dit qu'ils avaient des soupçons assez sérieux pour croire que Sharkawi était en train de comploter pour un attentat terroriste dans le métro de Montréal. OK, alors c'est ce gars-là qui prennent comme porte-parole. Et Salam El-Mayani, c'est un gars qui a lutté pour instaurer la charia au Québec. Oh. Alors, ces autres, leur porte-parole, les musulmans disent, hey, c'est ces deux gars-là qui vont nous représenter. Après ça, ils disent, mais c'est drôle, vous avez une mauvaise impression de la communauté musulmane. Ben oui, mais peut-être que si vous choisissiez des porte-paroles qui sont un peu plus modérées, on vous comprendrait. Là, je trouve ça complètement débile que Sharkawi et Mayani soient les nouveaux porte-parole de la communauté musulmane. Et troisièmement, je suis pas islamophobe, je suis contre tout extrémisme religieux, tu le sais, que ce soit catholique, juif, je l'ai dit tantôt. Tout à fait, tout à fait. Moi, les musulmans catholiques, je m'en fous totalement, mais quand tu es un extrémiste, j'ai un problème avec toi. Et ça, l'islamophobie, c'est rien pour nous faire taire, c'est rien pour faire taire les critiques. Là, je viens de voir, là, c'est parce que là, ça m'a fait sursauter là, ton histoire, là, je viens de pitonner là-dessus. Est-ce que j'ai bel et bien vu Julius Gray? Oui, qui est là. Oh. Il est assis avec eux autres. Franchement. Julius Gray. Qu'est-ce qu'il fait là? À ce chapitre, le collectif québécois contre l'islamophobie a reçu 146 plaintes pour dénoncer des propos islamophobes, selon Adil Sharkawi, soupçonné par le service de contre-espionnage d'avoir comploté pour commettre un attentat terroriste dans le métro, je le rappelle. À eux seuls, les journalistes et animateurs Richard Martineau, Benoît Dutrisac et Paul Arcan sont l'objet de la majorité de ces plaintes. Hey, c'est écrit sur Radio-Canada. C'est de la bullshit. Je viens de le voir. C'est renversant. Je vais mettre le lien sur... C'est renversant. Puis la fille ou le gars de Radio-Canada qui était au point de presse, est-ce qu'ils ont challengé Sharkawi? Non, du tout. Aucune question sur Sharkawi. Ils ont pris le micro, record, quand c'était fini, fin. Ils ont mis ça, puis ils ont sacré ça sans aucune vérification. Et là, ils disent, ce regroupement-là, ils disent qu'ils vont maintenant poursuivre. Donc, je devrais recevoir bientôt une poursuite de ces gens-là. Mais c'est exactement la tactique qu'ils adoptent en France. Hein. J'ai discuté avec Christian Rioux, qui est correspondant français pour Le Devoir à Paris. Là. Et en France, ce qu'ils font, c'est qu'ils te poursuivent. C'est des poursuites baillons. Ils veulent te fermer la gueule. Oui, comme c'est arrivé au Journal des immigrants. Tu te souviens de l'histoire que j'avais sortie à Québec? Oui. Ils sont d'ailleurs poursuivis, eux autres, parce que le journaliste en question, le journaliste roumain qui opère ce journal-là, avait parlé de l'apparition du voile intégral au marché aux puces à Sainte-Foy dans la région de Québec. Puis il y a eu une poursuite, là, puis c'est pas fini, hein. Il y a une date de procès qui va être déterminée un peu plus tard cette année. Pour y fermer la gueule. Ils te poursuivent. Écoute, hier, j'ai pris le taxi rapidement. Là, hier soir, je l'ai fait garder mon fils, je l'ai suspecté avec ma blonde. Je suis revenu en prenant le taxi. Le chauffeur m'a reconnu. « Oh, M. Martineau, je vous aime beaucoup. » Là, on commence à jaser avec. Le gars, il est algérien. Il dit « Moi, j'ai quitté l'Algérie, puis j'étais écœuré des barbus, j'étais écœuré des islamistes, puis j'arrive ici, puis vous les laissez rentrer en grande porte. Ah, » Il dit « Moi, j'allais dans les mosquées sur la rue Jean Talon. » Ceux qui savent, à Montréal, c'est une des mosquées, là, sur Jean Talon, c'est une des mosquées les plus radicales. Et j'allais là, c'est épouvantable ce qu'on se disait dans ces mosquées-là. Ah, c'est ça, Guérichard, c'est ça mon point. Il y a des rencontres. Après le prêche, il appelle ça des colocs. Le coloc, c'est comme une rencontre dans une salle en bas. Puis là, ils disent, là, qu'est-ce qu'on va faire maintenant pour lutter contre les ennemis de l'islam? Puis il me regardait dans les yeux, puis il dit, Monsieur Martineau, faites très, très attention. Et ces gens-là, ils savent où vous vivez. Ils vous connaissent. Ils connaissent votre nom. Il dit, c'est très dangereux. Il dit, vraiment, là, vous risquez peut-être votre vie et la vie de vos enfants et votre conjointe. Il dit, je vous le dis, là, ça en prend juste un fou, Richard. Effectivement, fais attention. Ça prend juste un fou, hein? Ça prend juste un fou. Je pense que lui va aller au ciel, à l'os, se faire sucer par 72 vierges. Ouais. Et lui, il en prend un. As-tu peur? Ça en prend un, tu sais. Puis à Amsterdam... Il y avait le cinéaste Théo Van Gogh, qui était un journaliste comme moi, un chroniqueur, qui était assassiné à Amsterdam. En pleine rue, il était en bessic à pédale. En pleine rue, bessic. Ouais. Il s'est fait poignarder au cœur. Et le gars me disait ça, évidemment, j'ai mal dormi cette nuit, puis ma blonde aussi. Puis il dit, faites très, très attention à ce que vous écrivez. T'as-tu moi, peur? Je suis bien d'accord avec ce que vous écrivez, mais il dit, vous risquez gros. T'as-tu peur? Mais ça, j'ai peur. Puis là, de voir... Mais ça que j'ai peur, puis tu sais ce qui me fait écœurer le plus, ce qui m'écœure, ce qui me fait vomir, c'est que même mes confrères et consœurs journalistes ne m'appuient pas. Par exemple, la radio, ben m'appuient pas tous, là, mais quand je vois des gens comme Radio-Canada qui publient ça sur leur site, que moi je suis un islamophobe, je trouve ça dégueulasse. Ben, ça met l'huile sur le feu, puis ça provoque la haine. Pis ça prend juste un crackpot d'une mosquée un matin pour dire, moi Martineau, moi être celui qui va aller faire sauter la cervelle. Écoute, comprends-tu? Tu le regarderas, je vais t'envoyer c'est le lien responsable tantôt, de la part de Radio-Canada. Qui est le Muslim News. Regarde ouais. Ça sur Internet. Muslim News, ils ont fait comme un grand graphique avec les journalistes les plus islamophobes au Québec. Hein? C'est mon nom en super gros. Alors? Il y a un concours. Choisissez celui qui déteste le plus les musulmans. Calme. C'est dans un journal Muslim News. Check ça, graphique, chroniqueur, islamophobe. Ça va sortir. Ils ont fait comme un gros dessin. T'es-tu sérieux? Donc, t'as plus le droit, finalement, de critiquer. Moi, je pensais pas en arriver là un jour, là, mais là, tu me fais peur. Ça, c'est du bullying, pas mal plus important que le bullying dénoncé par Jasper Roy, là. C'est de l'intimidation totale. Ça, c'est dégueulasse. Total. Fait que, écoute, moi Muslim News, là, Richard, juste pour avoir la précision, là, pour avoir le bon lien. Moi, j'ai de Muslim News en Grande-Bretagne. Juste avoir peut-être le bon lien. Il y a Muslim News au Québec. Muslim Good News, Muslim... On va essayer de le trouver, en tout cas, mais ça m'intéresse, j'aimerais savoir le lien, tu me l'enverras tantôt. Écoute, je te l'enverrai, là. Ah, mais Muslim c'est... News, graphique, non, tu l'as pas. Mais c'est capoté ce que tu me racontes, puis ça... ce matin, dans Le Soleil, puis ça, je donne l'information aux auditeurs également, je vous invite à lire ça, Gilbert Lavoie, qui est chroniqueur au journal Le Soleil, prend une page au complet. Tu sais ce qu'il raconte? Quoi? Que le chauffeur de taxi, hier, a tenté de le convertir. Ouais. Bien, ça l'a écœuré, ouais, avec le Coran puis tout, puis il a tenté de convaincre, il a tenté de convertir Gilbert Lavoie du Soleil à l'islam. Puis je suis pas sûr que ça a été vendeur, là. Pas sûr que c'était vendeur là, comme approche là. C'est capoté. C'est capoté. On y va.